Il y avait ta peau sur la mienne, nos deux corps enlacés, nos mains tellement gauches qui se tiennent, nos doigts entrelacés, ma bouche s'attardait sur la tienne. Plus un mot ne suffit, juste avant que le silence ne vienne et que tout soit fini. Il y avait des raisons et même des passions à nos vies, réciproquement les mêmes, qu'on appelait envie, encore trop jeune pour que l'on s'aime. On parlait d'un pays où on récolte ce que l'on sème, un genre de paradis. Il y avait ta peau sur la mienne, nos deux corps enlacés, nos mains tellement gauches qui se tiennent, nos doigts entrelacés, ta bouche s'est brûlée sur mes lèvres. Soudain je me suis dit, récolte donc ce que tu saignes, c'est toujours ça le prix. Le soleil brillait encore à peine, il n'était pas midi quand s'est enflammée la route. Sous nos pas, tu m'as dit, il y avait ma bouche sur la tienne. Et soudain j'ai senti qu'il faudrait une pluie diluvienne pour empêcher l'incendie. On baignait dans un fleuve de flammes, peu à peu bercé dans son lit, le feu caressait nos visages avec la tendresse de la nuit, mais nos yeux perdaient les images, échangés contre de la suie, aveuglés voués au naufrage, si on est arrivé jusqu'ici. On pourra bien en revenir, on pourra bien en revenir. On pourra bien en revenir.